si mal, nous. On marche et on ne se calcule pas. On se connaît si mal, nous. On se voit mais on ne se regarde pas. Vous, c'est la pire des espèces. Ils se plaisent à dire qu'ils se sentent seuls. Tu attires malgré toi ce qui te plaise. Je ne comprends pas ce qu'ils me veulent. On se connaît si mal, pourtant je te côtoie tous les jours. Être aveugle est devenu banal. On ne voit plus nos frères qui nous entourent. Voit l'indifférence à nos talons. On se connaît si mal, pourtant je vous supporte tous les jours. Si c'est devenu normal, alors laissez-moi faire le mal. On se connaît si mal, on se connaît si mal, on se connaît si mal, on se connaît si mal, on se connaît si mal, on se connaît si mal, on se connaît si mal. On se connaît si mal, on se connaît si mal, on se connaît si mal, on se connaît si mal, on se connaît si mal.